Merci Antoine. Merci. Et maintenant, la définition du jour, qui est le terme juste. Juste ? C'est juste le terme juste. C'est juste, juste. C'est juste, juste le terme juste. C'est juste le terme. Juste. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de juste dans le cadre d'un festival de musique contemporaine comme Archipel, Emma ? Ah, parce qu'on peut parler par exemple de l'intonation juste. L'intonation juste. Est-ce que c'est pas une sorte d'anagramme de juste Antoine ? Non. Non, ce n'est pas que ça. L'intonation juste, c'est un système d'intonation musicale dans lequel, en principe, tous les intervalles, en particulier toutes les consonances, sont justes. Et je m'arrêterai à cette première phrase de la page Wikipédia consacrée à l'intonation juste. Et pourquoi ? Parce que dans le cadre du Festival Archipel, il y a toute une série de discussions qui vont être consacrées à l'intonation juste, dont... Voilà, passer en présence. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, à 16h15, 17h45, et ce sera dans la salle des pas perdus. C'est-à-dire ici. C'est-à-dire ici. Oui. Du coup, on se mettra où ? Nous ne serons plus là, oui, ou peut-être là. En train de vaquer, ou de nous intéresser à ce sujet dont nous avons brièvement parlé ici. Donc, soyez les bienvenus à 16h15 si la question de l'intonation vous intéresse en musique et particulièrement actuellement en musique contemporaine où les cartes sont rebattues.